Saint Augustin, de la continence. Chapitre 4. Se défier de ses propres forces. Voulons-nous conserver la continence, ayons toujours l'œil attentif aux embûches que nous dressent les suggestions diaboliques, et gardons-nous de trop présumer de nos propres forces. Maudit soit, en effet, celui qui place dans l'homme son espérance. Jérémie 17, 5. Et cet imprudent, quel est-il, si ce n'est l'homme lui-même? Comment donc échappera à cette malédiction celui qui met sa confiance en lui-même? C'est là vivre selon l'homme, et vivre ainsi n'est-ce pas vivre selon la chair? Si donc il est tenté de céder à cette suggestion, pour peu qu'il lui reste encore de sens chrétien, pourra-t-il, sans frémir, entendre ces paroles, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ?» Mais, me dira-t-on, autre chose est de vivre selon l'homme, autre chose de vivre selon la chair. En effet, l'homme étant une créature raisonnable, possède une intelligence qui le distingue de la brute. La chair au contraire n'est de l'homme que la partie infime et terrestre, suivre ses inspirations, c'est donc toujours un vice. Dès lors, vivre selon l'homme ce n'est pas vivre selon la chair, mais bien selon cette partie de lui-même qui le rend homme, c'est-à-dire selon l'esprit qui le distingue des animaux. Je réponds qu'une telle discussion, si elle peut avoir quelque importance dans les écoles philosophiques, n'en a aucune parmi nous, et, pour comprendre l'apôtre, nous devons nous familiariser avec le langage des livres chrétiens. C'est pour nous une vérité de foi que le Verbe, en descendant parmi nous, a revêtu notre humanité, et notre humanité avec l'âme raisonnable, quoi qu'en disent certains hérétiques. Cependant nous lisons, le Verbe s'est fait chair, Jean 1, 14. Que peut signifier cette chair, sinon l'homme lui-même? Toute chair verra le salut de Dieu, Luc 3, 6, toute chair s'élèvera vers nous, Psaume 14, 3. Dans ces deux passages ne devons-nous pas lire, tout homme? Vous lui avez donné la puissance sur toute chair, Jean 17, 2, c'est-à-dire sur tout homme. Toute chair ne sera pas justifiée par les œuvres de la loi, Romains 3, 20, ne devez-vous pas lire, aucun homme? Mais quelque chose de plus frappant encore, l'homme, dit le même apôtre, ne sera pas justifié par les œuvres de la loi, Galates 2, 16, et il réprimande les Corinthiens en ces termes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? 1 Corinthiens 3, 3. Il les accuse d'être charnels, et cependant il ne leur dit pas qu'ils marchent selon la chair, mais selon l'homme. N'est-ce pas nous enseigner clairement que vivre selon la chair et vivre selon l'homme, c'est une seule et même chose? Si c'est une faute de vivre selon la chair et un mérite de vivre selon l'homme, comment, pour leur adresser un reproche, leur dit-il, vous marchez selon l'homme? Que l'homme confesse enfin sa honte, qu'il change de résolution et évite sa perte. Ô homme, prête une oreille attentive, ne marche pas selon l'homme, mais selon celui qui a fait l'homme, ne quitte point celui qui t'a créé, ne te repose pas sur toi-même. Un homme, qui cependant ne vivait pas selon l'homme, s'écriait, avoir une seule pensée, comme venant de nous-mêmes, nous ne le pouvons pas, tout pouvoir nous vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, 5. Vivait-il selon l'homme celui qui sincèrement tenait un semblable langage? Quand donc l'apôtre avertit l'homme de ne pas vivre selon l'homme, il ne fait que rendre l'homme à Dieu, et celui qui ne vit pas selon l'homme mais selon Dieu, Ne vit assurément pas selon ses propres inspirations. Vivre selon l'homme, c'est donc vivre selon la chair, puisque, dans le langage sacré, la chair ne peut désigner que l'homme. Nous lisons que toute âme, c'est-à-dire tout homme, soit soumise aux puissances souveraines, Romains 13, 1, ailleurs. 70 âmes descendirent en Égypte avec Jacob, Genèse 46, 27, c'est-à-dire 70 hommes. Ô homme, ne vis donc pas selon toi-même. C'est là ce qui a causé ta perte, mais tu as été racheté. Ne vis pas selon toi-même, car tu t'étais perdu, mais tu as été retrouvé. N'accuse pas la nature de la chair, quand tu entends dire, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ah, elle n'est que trop vraie cette parole, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Le démon n'a point de corps et cependant, parce qu'il n'a voulu inspirer sa vie que de lui-même, il n'a pas persévéré dans la vérité. Est-il étonnant dès lors que, vivant selon lui-même, ce soit de lui-même qu'il parle, quand il dit le mensonge, Jean 8, 44. Ce mot si vrai est sorti des lèvres de la vérité même. Chapitre 5. Ne pas excuser son péché. En face de cette parole, le péché ne régnera pas en vous. Prenez garde de vous attribuer à vous-même la gloire de détruire en vous le règne du péché. Comptez uniquement sur celui à qui un saint adressait cette prière, « Dirigez mes pas selon votre parole, et qu'aucune iniquité ne règne en moi. » Psaume 118, 133. Craignant donc que ces expressions, « Le péché ne régnera plus en vous », ne soulevasse notre orgueil et que nous n'eussions la témérité de n'attribuer ce bonheur qu'à nos propres forces, l'apôtre ajoutait aussitôt, car vous n'êtes plus sous le règne de la loi, mais sous le règne de la grâce. Romains 6, 14. Ainsi c'est la grâce qui détruit en nous le règne du péché. Dès lors gardez-vous de compter sur vous-même, car alors le péché ne vous dominerait que plus tyranniquement. D'un autre côté, quand on nous dit que nous vivrons si, par l'esprit, nous mortifions les œuvres de la chair, gardons-nous encore d'attribuer ce précieux résultat à notre esprit, comme s'il pouvait y parvenir par ses propres forces. Cette interprétation charnelle viendrait d'un esprit plutôt mort que capable de mortifier. Aussi l'apôtre dit aussitôt, « Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, deviennent véritablement ses enfants. » Romains 8, 13, 14. Appliquer son esprit à mortifier les œuvres de la chair, c'est donc agir avec l'Esprit de Dieu, de qui seul nous vient la continence, sans laquelle nous ne pouvons ni enchaîner, ni dompter, ni vaincre la concupiscence. Ce grand combat, telle est donc la condition de l'homme soumis à l'empire de la grâce. Aidé par elle, s'il lutte avec générosité, la joie du Seigneur l'inonde, mais une joie mêlée de crainte. En effet, les soldats les plus courageux, ceux-là même qui restent vainqueurs dans cette lutte contre les œuvres de la chair, ne laissent pas de ressentir parfois les atteintes du péché, et pour en obtenir la guérison, ils répètent chaque jour dans la plus sincère vérité, « Pardonnez-nous nos offenses. » Matthieu 6, 12. Contre ces vices, contre le démon, prince et roi de tous les vices, la prière est toujours l'arme la plus puissante et la plus efficace pour déjouer les suggestions perfides à l'aide desquelles il porte le pécheur à excuser plutôt qu'à accuser ses fautes. Ses excuses, loin de guérir les péchés, ne tentent qu'à les rendre graves et mortels, lors même qu'ils ne le seraient pas d'abord. C'est donc ici surtout que se fait sentir le besoin de la continence pour étouffer cet orgueil qui inspire à l'homme de se complaire en lui-même, de repousser toute idée de culpabilité propre, et de s'opposer, quand il pêche, à toute conviction de son péché. Repoussant cette humilité salutaire qui lui ferait accepter sa propre accusation, c'est l'excuse qu'il cherche, victime en cela par lui-même d'une fatale complaisance. Contre cet orgueil demandait à Dieu la continence, celui dont j'ai cité et expliqué plus haut les paroles dans la mesure de mes forces. Placé, Seigneur, avait-il dit, une garde à ma bouche et la continence sur mes lèvres, ne laissez point mon cœur s'incliner à des paroles mauvaises. Voulant ensuite rendre sa pensée plus claire et plus frappante, il ajoutait, pour excuser mes excuses dans le péché, psaume 143:4. En effet, quoi de plus pernicieux pour un pécheur que de nier son péché, même quand il a contre lui une œuvre coupable dont il ne peut contester l'évidence, ne pouvant cacher son action, contraint d'avouer qu'elle n'est pas bonne, il cherche à rejeter sur autrui ce qui est son œuvre propre, comme s'il pouvait par là se soustraire à ce qu'il a mérité. En niant sa culpabilité, il en augmente la malice, et en excusant ses fautes au lieu de les accuser, il oublie que ce n'est pas le châtiment qui l'éloigne, mais le pardon, en face de juges humains qui peuvent se tromper. Il peut être quelquefois utile, du moins pour un temps, de dissimuler la faute que l'on a commise, mais devant Dieu, que l'on ne peut induire en erreur, ce n'est point à une fausse justification qu'il faut avoir recours, mais à une confession véritable et sincère. Les uns cherchent dans la fatalité une excuse à leur faute, à les en croire, ils auraient été nécessités au mal comme par une influence irrésistible des astres, ainsi le premier coupable c'est le ciel, l'homme ne le devient que pour avoir exécuté ses arrêts. D'autres accusent le hasard, et se disent tourmentés par des cas fortuits, mais gardez-vous de ne voir dans leurs excuses qu'une témérité fortuite, en cela du moins ils agissent en connaissance de cause, et affirme sans aucune hésitation. Quelle folie, dites-moi, d'attribuer à la raison leurs excuses, et leurs actions au hasard. D'autres constituent le démon seul responsable de leurs œuvres mauvaises, mais toujours ils soutiennent obstinément qu'ils n'ont avec lui aucune relation, eux qui l'accusent de les pousser au mal par de secrètes suggestions, et qui ne peuvent douter du consentement qu'ils accordent à ces suggestions, de quelque part qu'elles viennent. D'autres ne craignent pas de rejeter sur Dieu la responsabilité de leur faute s'ils sont malheureux, c'est Dieu qui l'a ainsi voulu, mais n'est-ce pas à leur propre fureur qu'ils doivent attribuer leur blasphème? Pour rester conséquents avec eux-mêmes, ils font du mal une substance en révolte contre Dieu. De son côté, Dieu ne pouvait étouffer cette révolte qu'en détachant une partie de sa substance et de sa nature, pour la mêler à cette substance mauvaise et l'exposer ainsi à la souillure et à la corruption. Dès lors, s'il pêche, c'est que la nature du mal l'emporte sur la nature de Dieu. Telle est l'impure folie des manichéens, mais la vérité déjoue facilement ses machinations diaboliques. Il lui suffit pour cela d'affirmer que la nature de Dieu est inviolable et incorruptible. Toutefois, quelle souillure et quelle corruption profonde n'avons-nous pas le droit d'attribuer à des hommes pour qui Dieu lui-même, c'est-à-dire le bien suprême et incomparable, n'est plus qu'une substance imparfaite et corruptible? Markem d'anarchive.org 2021, licence Creative Commons. Pas d'usage commercial, partage à l'identique.